et de suivre à femme mon enterrement. Ce serait formidable de changer le continent pendant que mes semblables restent à Rouen. Dispensez de demain de la valse des pantins. Je m'évite les sanglots et le combat de trop. Alors je tire le premier filer à l'anglaise avant que la vérité. Ces regrets, ça je saurais m'en plaindre préposé. Ce qui est à peindre, c'est le tableau mitigé où le bonheur fut moindre qu'espéré. La tentation est grande de croire que tout. Laissez passer l'orage et de croire aux fables de mon âge. Mais ce serait misérable de manquer de ce courage qui laissera le diable en héritage.